L'abeille par Hégésippe Moreau. Comme l'abeille fugitive qui fait son miel en voyageant, le chansonnier de rive en rive va bourdonnant et voltigeant. Comme elle, du myrte à la treille, il recommence 20 détours. Vol, vol, petite abeille, vol, vol, vol toujours. Hélas, je rampais de minuit, sans ailes d'or, sans aiguillon, quand d'où mon essaim vers la nue s'envola dans un tourbillon. Mais Dieu me sourit, Dieu qui veille sur un insecte sans secours, me dit « Vol, petite abeille, vol, vol, vol toujours !» Loin des tourbillons de poussière que font les grands et leurs laquais, dans la mansarde ou la chaumière, murmure à de joyeux banquets. Mais en fuyant, pique à l'oreille les midas qui peuplent les cours. Vol, vol, petite abeille, vol, vol, vol toujours. Oui, garde bien, pauvre orpheline, un dard caché pour les méchants. Mais si quelque vierge enfantine cueille des bluets dans les champs, va bourdonner dans sa corbeille et fais-la rêver aux amours. Vol, vol, petite abeille, vol, bol, bol toujours. Mon souffle a reverdi la terre, teinte du sang des oppresseurs. Longtemps l'éclat du cimetière sur l'hymette effraya les sœurs. Mais à la Grèce qui s'éveille, la liberté rend ses beaux jours. Bol, bol, petite abeille, bol, bol, bol toujours. Moi, dans les paroles divines, je me confie et sans savoir si sur des fleurs ou des épines, il faudra m'endormir le soir. Quand vient la brise, je sommeille, et je m'abandonne à son cours. Bol, bol, petite abeille, bol, bol, bol toujours. C'était L'abeille, par Hégésippe Moreau.